C'est fou. 89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des palmarès. C'est fou pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013. Salut Steph! Salut Matt! Hey ho! On va passer 3 heures ensemble. Hein? Encore? On dirait que j'essaie de me débarrasser de toi de temps en temps, ça marche pas. Ben je recule ma chaise, je te rentre dedans. Chasser l'étalon à grande queue, il reviendra au galop. C'est quoi ce proverbe-là? Je sais pas. Tu viens de l'inventer? Ouais, hein? Genre. Fiu. J'avais vraiment peur de retrouver ça dans les pages roses du Larousse. Ouais, bon, être rose pour d'autres raisons. Ça veut rien dire, son nom. Plein de commentaires qui veulent rien dire en ce début d'émission. Mais bon, pourquoi édition complète? Parce que pendant les 3 prochaines heures, on va faire un paquet de chroniques ensemble. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 est toujours du côté anglophone, c'est The Well et Mother. Et du côté francophone, c'était Le Vent Vire de David Marin. Est-ce que c'est encore là? Une bonne question. On va aussi faire Palmer Rest in Peace. On va faire un instant classique, bien sûr. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Oh. Ailleurs dans les palmarès. Ça va être génial tantôt. Ça va être un classique, ça. Oui, et c'était fou parlant de bons vieux classiques. Bon, mais tabarouette, un beau programme qui s'en vient. Oui, c'est ça, mon programme préféré qui commence. Wow! Ben, on commence toujours avec la première heure, donc voici les palmarès C'est fou, édition New Shit. Bonjour et bienvenue à l'édition New Shit des palmarès C'est fou pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Verte. Berto, et toi tu es Stéphanie. Stéphanie, pas de radis dans ma salade. Voilà, c'est le nouveau surnom. C'est quand même bien parce que tu sais, une plante, c'est quoi si ça n'a pas des feuilles vertes? Et un radis, c'est quoi si ça n'a pas une feuille verte, genre attachée après, ben tout là. Hein? Donc, bienvenue à notre émission spéciale chlorophylle. Voilà, ben tu sais, dans le temps, j'avais une collimatrice qui s'appelait Myriam Fugère, fait qu'on faisait plante et fugère, c'était génial, tu sais. Ah, ben là, je suis un peu déçue de mon nom maintenant. C'est ça, un petit peu jalouse, je te comprends. Ben quand même. Donc, dans cette heure New Shit, on va surtout entendre des nouveautés, hein, comme on le fait toujours. J'en compte 6. Une 6, c'est une demi-douzaine, si je me trompe pas. Oh non, non, non, embarque-moi pas là-dessus. Une demi-douzaine, t'as comme 40 syllabes, alors qu'il y a déjà un mot de 3 lettres qui existe pour dire la même chose. 6. Merci. C'est comme le personnage de Six dans Petite Fleur. Blossom, la sitcom des années 90. Six le Muir. Ah, désolé, je suis peut-être trop jeune, je connais pas ça. Non, non, non. Je suis vieux. C'est années 90, genre vers le début, là, je te dirais. C'était bon, ça. C'était vraiment bon. Wow! Ça, c'était Joey qui faisait. Wow! Moi, la seule 6 que je connais, c'est dans Les Décalés du Cosmos qui passait à Télétoon. Est-ce que ça passe encore? Le je gros sais blob pas. Mauve, genre, dans cette émission. Ouais, c'est quoi. Ça, mais 6, elle avait 3 attributs. Oh, comme dans le non, film. Non, c'est pas elle qui avait 3 attributs, c'était la blonde du mauve, là. Parce que ça, c'est dans Total Recall, le film qu'ils ont refait récemment. Il y avait une femme à 3 seins. Là. Tu te rappelles? Fait que si oui, on fait la même chose oui, des Décalés du Cosmos, rappelle. C'est de la copie un peu, je trouve. Bon. Je crois que Total Recall est plus récent, non? Non, le Total Recall des années 90 ah, des années encore, je crois, 80-90. C'est un remake? C'est un remake, le Il y a plus juste récent. Des remakes, hein, d'un film, là. À peu près. Hey, on s'est-tu perdu en cours de route, tu penses? De quoi qu'on parlait? De plantes, je crois. Ouais, je sais plus. Donc, nouvelles entrées. Il y en a 6 plus tard. Philemon Simon, on avait confié les frères Goyette, on a créé un monstre. Mark Berube et Lucius. Oui, mais on commence en 20e place francophone. C'est Le Corps est lourd de On a créé un monstre. On écoute ça au Palmarès C'est fou édition New Shit. New Shit, New Shit. Corps est plutôt raide. Et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet. En dessous de tes pas. Le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Nouvelle entrée. La pièce Turn It Around sur l'album Wild Woman, nouvelle entrée en 20e anglophone. Et du côté francophone, on a commencé ce bloc solide avec Le Corps est lourd. On a créé un monstre. Moi, je t'ai entendu dire, dans d'autres mots, c'est un sapristi de bon bloc. C'est pas vraiment le mot utilisé, mais quand même. Ben, j'ai dit Christy. Hey, wow! Ah, les biscuits. Mais c'est pas un sac, Christy. C'est une marque. Ouais, c'est ça. Copyright. Ouais, c'est comme des Christy ketchup. Christy au ketchup. Monsieur Christy au ketchup. Au ketchup. Ils font des biscuits au ketchup. Mais c'est pas des biscuits, c'est des croustilles. Des chips Christy? Ah ouais? C'est crispy, là. Ah, crispy. Ouais. Ouais. Ah, des croustilles. Des croustilles. Quand tu manges des croustilles. Des bonnes croustilles au ketchup. Tu vois, chez Red Lobster, tu prends des crustacés. C'est ça? Okay. Ah. Donc, nouvelle entrée en 19e place du côté anglophone, c'est Mark Berube, ou Berube, avec Confession to a Streetlight sur l'album Russian Dolls. Mais tout d'abord, du côté francophone, on va entendre Morning Man des Frères Goyette. Groupe local, je suis sûr qu'ils mangent bien des crustacés. En région, on mange ça. OK. En campagne, on se hache des chips. Ah, oh, comme les écouteurs tombent, tu vois? C'est du David Ferron. C'est un sketch mimé à la radio! Dans un cheval de Troie, je fixe le ciel sur mon oreiller de bois, puis je

always feel alone. I can see your face lie on the side of strand of hair across your eye, your flower in the early morning glow. Mark Berube, la dernière nouvelle entrée du côté anglophone, c'est Confession to a Straight Lie sur l'album Russian Dolls. Alors qu'en 19e place francophone, c'était Morning Man des Frères Goyette. Alors, on a terminé les nouveautés du côté anglophone, mais pas en francophone du tout, là. Ben non, pas tout. Il en reste deux autres. Deux. Un petit bloc qu'on va faire là. Maintenant. Plus tard, en 17e francophone, il y aura Philémon Simon avec Soleil Blanc. C'est drôle, Philémon Simon. Oui, c'est bizarre. Mais c'est Kimon avec un Kimon, C. Kimon, oui, c'est ça. Les gens qui s'appellent Simon avec un C, on comprend pas pourquoi, mais on les appelle Kimon. C'est ça. C'est différent. C'est ça. C'est spécial. Mais on va commencer le bloc en 18e place, bien entendu. Et c'est ton sac de natation de Navet Confit. Au Pamara, c'est fou édition. Newshit! Des légumes abandonnés du vrac dans les mauvais bacs. Ton amour propre dans un présentoir. Tes yeux comme deux olives farcies, tes yeux parlent avec le commis. L'inter comme des goulines de bas prix, de mépris, de bas prix, de mépris. Il fait froid, tout est gris. Une odeur de vomi. Et tous ces gens qui s'avalent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Tous ces gens qui s'avalent dans les allées, ils vont et viennent ensemble quand la lumière est fermée. Entends-tu les néons qui parlent? Nouvelle entrée. tes pensées y sont déjà. Je n'ai pas perdu, non, pas perdu mon temps avec toi. C'était Philémon, Simon et Soleil Blanc, 17e position francophone. Alors qu'en 18e place francophone, c'était ton sac de natation de Navet Confit. C'est tout pour les nouvelles entrées. D'ailleurs, ton sac de natation, tu me demandais d'où vient le nom, parce qu'on dirait qu'il fait son épicerie. Ben oui, je trouvais ça bizarre d'aller faire son épicerie ouais. Avec son maillot de bain. Mais c'est-tu ce que je trouve bizarre aussi de Navet Confit? Tout. Le nom de son nouveau LP. C'est LP6, au moins quelques personnes et ou compagnies et ou médias prennent le temps encore le risque de promouvoir la diversité dans l'industrie de la musique au Québec en 2013. Entre parenthèses, où, et je cite, si je vends pas plus que 500 copies, j'arrête de faire de la musique, fais de la citation, fais de la parenthèse. C'est le nom de son LP6. C'est marqué en plus sur la pochette. En tout cas, personnellement. Moi? Je vais pas l'aider à atteindre le 500. Ben moi non plus. Je trouve ça un petit peu genre. Cacophonique. Moi, ben, pas la musique était pas si pire. C'était bon. La fin était bizarre un peu. En passant, je mets des guillemets. Je sais que j'ai pas dit le bon mot. C'est pas grave, lui aussi met des guillemets dans le titre de son album, pareil. Mais je trouve ça bizarre de dire aux gens, genre, si vous l'achetez pas, ben, je fais plus de musique, fait que manger de la. C'est comme c'est, tu me c'est donnes... bête avant même que quoi que ce soit passé. Je sais pas, pas sûr. Non, pas sûr. Ce dont je suis sûr, par contre, c'est qu'on a fini les nouvelles entrées. Il y en a 6 en tout. Déjà, on a c'est fini? Ben oui. Et quand on finit d'écouter les nouvelles entrées, il faut dire au revoir à ce qui est parti. Hein. Donc, on parle de Rest in Peace. Moi. Ouais.

L'AGE-UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Ce monde freiné, j'accélère bien sûr, vitesse moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. J'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. D'astéroïdes. C'était en huit en province. Montant carnaval. Ciel sans étoiles. que l'arrivée d'une comète. Quelques années plus tard, peut-être que je repartirai avec. C'est fou. 16. How you think you're gonna do it? I said, how you think you're gonna do it? You reach for the top, you can't take it easy. Gonna risk everything you've got. It's a long road. Be sure to always watch your back. It's a long road. Such a long road to the top of the hill. It's a long road. There ain't nothing to it. I said, how can you think that there ain't nothing to it? Yeah, the higher you get, the harder it gets. It's a long road, you're there, then you're gone. It happens on and on and on and on. It's a long road, such a long road to the top of the hill. It's a long road to the top of the hill. You're there, then you're gone. It happens on and on and on. It's a long road. C'était Steve Hill et Long Road, nouvelle entrée de la semaine passée qui monte de deux places en 16e anglophone. Et du côté francophone, on a entendu Astéroïde de Janice Plus. Et on a débuté avec Radical Face en 17e anglo qui montait de deux places. La pièce s'appelle Holy Branches. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Maintenant, ben, pour terminer cette portion de New Shit des palmarès, on va faire un petit bloc d'un peu n'importe quoi. On va commencer en sautant par-dessus les 15e places. En anglophone, ce serait Royal Canoe et Bad Tubs qui est stable. Alors que du côté francophone, on saute par-dessus Feu Follet de David et les Bois. On va y aller en 14e place. On va entendre les deux, donc on va commencer avec seulement ça. Tout à l'heure, il y aura Imaginary Cities et Bells of Cologne qui est stable. Alors que du côté francophone, c'est Je pars au combat de Guillaume Arsenault. On va jouer d'autres choses pendant ce temps-là après, mais on dira après parce que là, ça va devenir mêlant, tu sais. Ouais. Les palmarès, c'est fou. On fait ça simple. Simplicité volontaire. J'ai sorti complicité volontaire ce matin, je trouvais ça intelligent. OK. Je vais y réfléchir.

Hey, c'est les Palmarès Fous édition top 10 pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013, toi. Allô? Allô, Stéphanie Paradis. Allô, Mathieu Plante. De retour à l'improviste, à improviser, super complicité volontaire. je l'ai placé, puis il marchait, ça. Contexte, man. Donc, c'est la portion top 10 où on va commencer, évidemment, par nos 10e positions. Mais avant de commencer par les 10e positions, est-ce qu'on regarde ce qui s'en vient plus tard dans l'émission? Ah oui? Ouais. Parce que plus tard, dans cette heure, il y aura les instants classiques d'assemblage requis. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans la deuxième heure, déjà? C'est-tu dans la deuxième heure, c'était fou? Ou c'est dans la troisième, je suis sûr. Je pense qu'on a c'était fou dans la deuxième aussi. À un moment donné, on va se faire un plan. Tout ça plus tard. Mais pour l'instant, en dixième place anglophone, ce sera June in the Fields et Anna Mancy qui descend de la cinquième place. Mais tout juste avant, on va l'entendre Panache de Pendentif. En fait, on se chicane à chaque semaine pour savoir est-ce qu'on le met dans la deuxième ou dans la troisième heure. On devrait aller écouter une vieille émission en balado. On devrait juste saquer notre cap et rejouer la même émission que la semaine passée. C'est parfait, ça. Et voilà. Tiens. On va se coucher. Problème réglé. Bonne nuit. Bye. Non, c'est pas vrai. On reste là. Sur l'autoroute, le camp a démonté. Pour une fête, oublier l'atmosphère. Il avait dû se passer quelque chose. Il avait dû se passer quelque chose. Oh yeah. Passer les fenêtres, passer le nouveau monde. Marcher dans les rues lorsque tu s'illumines. Au dehors, les maisons sont les mêmes. Le tour n'est pas un problème. Au dehors, les maisons sont les mêmes. Le tour n'est pas un problème. Coup de feu, au coup de feu, je peux choisir car j'aime les deux. La nuit est faite. Et je danse. on the Andaman Sea. The iron mountains, it is fading slowly. Purple, orange and blue, the colors of my heart. It's good to be part of it now. It was needed to be free a little time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud. But don't really need to say it out loud. It's still a part of you, shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you, shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. I believe our love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me and I know I own the key. Well, I know I own the key. And there's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone. Never alone with you and all I do alone, but never alone is true. Adamancy de June in the Fields qui descend de 5 places en 10e anglophone. Et ça descend de 3 du côté francophone et c'était Panache de Pendentif. Tout à fait. Effectivement. Ça serait difficile que ce soit le contraire car effectivement c'était un fait. Pendentif qui me fait penser à pendant ce temps, tu sais, pendant ce tif. Pendant ce tif, tif comme la photo. Là. C'est ça le format d'image dans Photoshop. Ben oui. On se comprend? Ben oui. On travaille ensemble, fait qu'on sait ce que c'est les tifs. Les oui. gens à maison savent pas du tout ce qu'on veut dire par TIFF, mais bon. Est-ce que tu connais le format RAW? RAW, oui, R-A-W, pas R-A-T. Il y a aussi le PNG que j'appelle le PING. Le PING. PING. Oui, le GIF qui est le format cadeau. Oui, puis le JPEG là-dedans, le JPEG. Le JPEG. Oui, il n'y a rien à faire avec ça. Hein? Le JP... Aigre. Garçon. Aigre douce. Aigre douce. Non, JP Egg. Comme les jeunes disent ça, hey, c'est donc bien aigre, comme dans ce nom bien aigre douche, je suis sûr qu'ils disent ça. Comme t'es donc bien prête. Les gens disent, c'est pour ça, pas en tout ça qui est drôle. Okay. Position numéro 9 du côté anglophone, c'est de Calipari, Wild Animals, qui descend de 7 places. Et ça monte de 4 du côté francophone, c'est Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Il est vraiment aigre. Tu trouves pas qu'il attend tellement longtemps entre chaque syllabe que je pourrais insérer des affaires, tu sais? Comme genre, il est tellement aigre. Laisse-moi pas. JP. Oh, palmarès, c'est fou, hein? F. Moi, genre, Fred. On pourrait mettre plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Un petit peu de sel. Passe-moi le beurre. Le baba. Ah, c'est fou! Oh, on a manqué de stock. C'était rendu drôle. C'était drôle la première fois, mais après ça, c'était... Tu vois, il attend tellement longtemps de chanter. Top 10. C'est comme un petit tap dans le dos. Son petit rond. « Monsieur Savane qu'on fait danser pour une banane. C'est qui le plus beau ici? On va y faire une carrière. Si tu souris, c'est tu qui plaire. On va t'apprendre à pas t'en faire. C'est qui les mieux élevés? Les choses se plaît shiner. Au milieu du décor, c'est qui est de mon bord? Laisse-moi pas tomber. Cette fois qui me dit que le monde est grand, moi je suis ben trop petit. Et laisse-moi pas tomber au milieu du décor. Je veux pas finir dans la ruelle, je veux pas manger dans leur poubelle. C'est qui est mieux élevé? Les choses se plaît shiner. Au milieu du décor, c'est qui est de mon bord? Laisse-moi pas tomber. The Cat Empire et Wild Animals en 9e position qui descend de 7 places. Et du côté francophone, c'était Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Et on passe directement aux instants classiques. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 25 novembre 2013. Ici Falardeau, vous le connaissez peut-être dans l'émission de l'émission. En fait, elle est malhonnête le mardi. Oui. Ah, c'est fou, donc on va le recevoir ici le lundi. Ça va être déstabilisant pour lui, peut-être. Oui, sûrement. Non, il ne saurait plus vous donner de la tête. Ben, comme un PC, hein. Une joke de PC, il n'a jamais entendu ça, je suis sûr. Non, je suis sûr que non. Ben, peut-être que pas. Peut-être que pas. Ça, c'est comme du beatbox qu'on appelle, hein, mais raté. Ouais. Je réapprends à aimer l'écharpe. On est tellement bien là-dedans, là. C'est tout chaud. Oh. Et tu t'es remis à aimer le fromage très très fort, le sharp cheese. Oui. Les couteaux coupants, sharp knives. Oui, puis en fin de semaine, j'ai fait des graffitis partout avec des sharpies. c'est bon. On commence l'émission avec Jobin. Voici Sowato. Sur C'est fou, 80 fois. Oh, je mettrais bien le CD, mais je l'ai échappé. Ah! Oh, hey, on pensait que ben, ça a débarqué. Ça t'a vraiment. T'es on. Adieu, mes chats. Non. De Jacques Mort. Mais là, dis-leur pas adieu, ils vont venir juste après la pause okay. Pour entendre dans les coulisses de la huître. Ah! Super naturel. Hein? Alors, on va parler de devoir. Ben oui. Gotta talk about the devoir. Oui. You know? M'English phone. Ouais, mes choix, c'est ça. Mais avant ça, une pièce de Guillaume Marcelon. Mais to the board. To the board, tout the board. To the board. Éviter le coton, autant pour les bas, autant pour des choses. Je prends un petit truc qui est assez intéressant. Cut le coton de ta vie. Ouais. Cut the cotton. Cut the cotton. Cut the cotton. De quoi tu parles? De... La camisole, les combinaisons. Oui. Pour le pour camisole de force. Ah oui, moi ouais. Ouais, aussi. Camisole de toute force, pas partout. Oui. Il n'y a rien de pire, en fait, que de partir en petite randonnée puis de prendre ta gourde et réaliser qu'elle est gelée. Puis elle est toujours gelée sur le dessus. Oui, c'est vrai. That's not good. That's not good. That's not good. That's not good. Wow. Good. Wow. C'est dès qu'on a bu une gorgée dans notre gourde, il y a une petite couche d'air entre le bouchon fermé et puis l'eau. Fait que cette eau-là va se refroidir vraiment plus rapidement. Donc, l'eau sur le dessus va geler plus vite. Donc, un petit truc, mettez donc votre gourde à l'envers. Oh! Elle va geler du fond. Fait que ça va faire un petit fond de glace pour tenir au frais. Alors, quoi, donc, fait frais. Ouais, faudrait l'essayer aussi sur les drogués, les virer à l'envers, comme ça, ils vont geler sur le fond. Ils vont geler sur le fond. Et pour marcher, ils vont les pieds gelés. C'est ça. Bon, moi, ils vont avoir toute leur tête. C'est. Le vieux classique de Noël, les bas de laine. Les bas de laine, c'est chaud quand il fait froid. C'est froid quand il fait chaud. C'est de la laine, c'est magique. Donc, allez-y, puis portez-en. Portez-en, puis enlevez les jouets de dedans avant. Ouais. Oui. Les Legos, ça fait... Ah, merci pour la paire de ciseaux. Un excellent cadeau pour le bas de Noël. Oui. J'ai vu des bottes de ski qui viennent auto-chauffantes. Ouais. Avec des batteries. Là. T'as une grosse batterie qui pend sur le mollet. Oui. C'est intéressant. C'est gros comme un Game Boy. Quasiment. Okay. Ça chauffe. Là. Et tu penses pourquoi quand... que tu branches dans le mur, c'est encore pire. Non, c'est pas pire. T'as juste une certaine distance. T'as les affaires pour tenir les enfants, mais c'est une génératrice. Ah, j'aime ça prendre l'air, moi. C'est beau à radio, on aime ça. Ben oui, ben je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais. Ça j'ai du mal à démarrer. C'est le mucus. Ben oui, putain, j'ai pas le nez bouché, rien. C'est juste ça pogne. C'est comme ta voiture, ta Ford Mucus. Ta Ford? Ah oui! La pièce je pars au combat. Sur C'est fou. J'y vais! Qui m'aime me suivre? Genre des coups de gun, je sais pas trop quoi. Super. Ouais, ça ressemblait plus à un gazou de pénalité. Une chance que les jeunes nous écoutent pas pour savoir quelles écoles sont fermées parce que c'est pas notre job de faire tout ça. Ben, ça défile en bas de l'écran. Ah oui, c'est ça. On est de même, on est rendu 2.0, là. Ben oui. Regardez ça, là. Si vous voyez pas, c'est parce que vous avez pas une air radio, c'est ça. Et si vous voyez pas le nom de votre école, c'est qu'elle est fermée. Fait qu'allez-y pas. Oui, c'est ça. Prenez on pas de chance. Gâcher les prenez pas de chance. Allez-y pas. Allez-y pas. Moi, c'était chez Rona qui s'est arrivé. Avec tes maudites vis, là. J'ai besoin d'un Q. Je t'envoie le gars chercher. Mais là, si t'avais besoin d'un Q, pourquoi t'as acheté des vis? des vis à une bataille. Écoute, j'ai besoin d'un Q. clous. Davis and Butthead, oui. Davis. Personne n'a réagi quand je l'ai dit tantôt, fait que je l'ai répété. Davis, oui. Ouais, moi, j'ai jamais entendu. Moi. C'était très drôle. Je l'ai géré des épaules. Non, c'est ça. Hein. C'est à la radio, il faut que tu ris de la bouche. Comme ça? Oui. Marie-Josée Plouffe. Donc oui, c'est une professeure d'art dramatique à l'UQTR de l'énergie de guerrière. Une plouffesseur qu'on l'appelle. T'es fière de ta oui, blague. Vraiment. Hein? Toujours avec Stéphanie Paradis aussi. Oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Ah, oh, excuse, je t'ai volé ton punchline. Oui. Ah. J'ai volé le tien. Hey. Oh. Moi, j'en ai pas de patois. Ben non, c'est ça, j'allais dire. T'as donc même pas de personnalité, Mathieu. Merci. C'est ouais. La deuxième partie des péripéties de... Jibi! Jibi! Jibi! Et son petit goût aigre doux. Les péripéties de Jibi, épisode 2. Jibi nous révèle le secret de la caramilk. Malheureusement, c'était au moment où l'émetteur de Sifu était KO. Il a presque inventé le pastel. Les belles couleurs pastel qu'on aime tant. Oh. Ben, en fait, c'est pas dégueulasse. C'est pas comme iOS 7. Fait qu'encore que je lance une pile contre iOS 7. Je l'ai vu venir à mort, mais ouais. Ouais, je sais, mais comment intégrer peinture et iOS 7? Je suis comme Lady Gaga, j'intègre tout de manière sans penser. Oui, oui. Je suis comme une espèce de diarrhée artistique. Vraiment les diarrhées Gaga qu'on l'appelle. Ouais, tellement. L'ancien régime en France est entre la Renaissance et jusqu'à ce que la tête de Marie-Antoinette fasse flouc. Ça, c'est flouc, la... oui, c'est le... quand elle s'est fait décapiter. Hein, puis lui, ça, ça fait flouc. Flouc, flouc, flouc, flouc. Oui, okay. Et puis ça fait... Donc, flouc, flouc, flouc, flouc, flouc. Comment résumer les débuts de la Révolution française? J'aime ça. Et... Flock, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 25 novembre 2013. C'est ça qu'ils apprennent au bac en histoire, Flock of Flock. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire de la plupart de nos chroniqueurs qui sont pas mal tout en histoire cette année, on dirait, je sais pas trop. Ah oui? Bizarre pareil. Ben. Alexandra Carignan, David Ferron, oui. Mathieu Roy. Oui. Simon Fitzbé, Simon, en histoire? Oui, Simon Fitzbé, en effet. Histoire. En histoire. Ben, c'est le même qu'on parlait dans le temps. Pas en histoire, non. En histoire. Ben, on est Québécois, on l'est pas, hein? Histoire. De souche pure laine, là. Pure. La petite laine, comme Jean-Antoine Rioux a dit, que des bonnes Noël, là, de la laine dedans. Ouais, mais ça pique. Ça pique un peu. C'est pour ça que je porte pas de laine, c'est bizarre. Anecdote de vie. Ben non, mais c'est pas juste pour ça que tu portes pas de laine, j'espère. Ben aussi, c'est pas très beau pour un chandail, là. Ça fait années 80 pas mal, là, mais bon. Malgré que j'ai l'impression que ça revient à mode. Un peu, les hein. Les petits motifs hivernaux, là. Mais c'est peut-être sarcastiquement hipster ironique. Ouais, mais là, rendu là. Avec la belle moustache graisseuse, hein, souhait. Donc voilà pour un instant classique, on fait ça toutes les semaines dans les palmarès assez fous et on vous rappelle d'écouter Assemblage requis les matins de semaine, lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Puis quand on se trompe pas, on le met dans la deuxième heure des palmarès. Quand, ouais. C'est ça. Fait qu'écoutez le mardi. Mais écoutez tout le temps les palmarès assez fous. Mais bon. Oui, c'est quoi cette affaire-là? Hey, le pas de ségrégation. Ouais. Il y a deux mots fancy de même. Donc, toujours dans les palmarès assez fous, on est rendu au top 7. Du côté anglophone, ce sera... 8. Ce sera The Darcy's et Hunting qui descend de 5 places. Alors que ça monte de 1 du côté francophone et c'est Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky. Cette fois, si on pouvait faire du montage live, tu sais, couper live les moments. Tu sais, à Radio Commerciale, ils ont un dump button qui appelle un cough drop. Bon. Mais ça, c'est genre quand tu veux faire mute, mettons, tu sais... Parce que tu as éternué ou à tousser, comme j'ai fait en onde, dans un moment que j'ai enlevé de mes instants classiques parce que j'avais honte. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un 7-second delay. T'sais. Donc, ils peuvent, mettons, quelqu'un sac en onde, comme là, tu pourrais le faire, mais elle fait le pas, parce qu'on n'a pas le bouton. Tu pourrais appuyer sur le bouton et ça drop les 7 dernières secondes. Bang! 7? Ben, c'est parce qu'il y a comme un délai, fait que dans le fond, le direct n'est pas direct, puis ça revient en arrière de 7 secondes. Mais comment tu fais pour savoir où recommencer? Ben, c'est ça l'affaire. Hey, je lisais là-dessus comme un loser de la mort sur Wikipédia sur les 7-second delay. Et c'est que à chaque fois qu'il y a un silence, aussi court soit-il, oui. Il accumule ces silences-là. La machine le fait tout seul. Et ça accumule chaque silence naturel dans les conversations pour se construire un 7 secondes. OK? Okay. Fait que là, quand tu appuies sur le bouton, ben, ça revient au vrai live pendant un certain bout de temps. Ça revient au vrai en direct. Dans le fond, l'émission de radio est à 7 secondes de délai. Jusqu'à temps que tu appuies sur le bouton pour lâcher le direct. Revenir live. Revenir live en vrai live. Et là, à chaque silence, il accumule du temps. Mais c'est cool, fascinant. Hein? Ben, tu vois, je suis loser, mais en même temps, je suis loser des affaires fascinantes. Là, mais hein? Écoute, je vais loser avec toi. Yeah! Je veux dire... Lose it together. Non, mais faut-tu déjà être loser pour faire des gags et avoir des discussions sur les formats de fichiers photos? Oui, les TIFF tantôt. À quel bon moment encore? Hein, les rats, les... Les ping! Les pierres Nicolas. Gauthier. Les PNG. Les TIFF, c'est évidemment les... Y a-tu un prénom qui commence par facile d'accès? Typhoïde. Hein? Typhoïde. On salue tous les typhoïdes de cette terre. Typhoïde Tremblay, tu connais pas? Titi, qu'on l'appelle Titi. OK, on a dit, qu'est-ce qu'on s'en va entendre en 8e anglais, en francophone, s'il te plaît? Ben oui, on avait dit ça, ça monte d'un, c'est Alex Nevsier avec mieux vaut en vivre pauvre. J'ai l'impression que ça fait 8 minutes de ça. Il n'y a pas de blanc de. Pas de délai? 8 minutes. Non. C'est les palmarès assez fous édition top 10. Noyé dravé de Robdana et de Bob, on se prend par les cornes, on s'envoie dans les cordes. Si le soleil sort, mieux vaut réchauffer nos corps. Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre. De l'hymne, on se courbe les chines, on se lave, on s'imagine si le soleil dort. Mieux vaut réveiller nos corps, si l'abstinence est d'or. CFOU 89.1. The Darcy's et Hunting, 8e position anglophone, moins 5 pour cela. Alors que du côté francophone, c'était Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky, tiré de l'album Himalayan, mon amour. Ah ben, Caroline, toi, ça a monté d'une place, ça. C'est quoi cet accent-là? Je sais pas, on dirait que c'est mon oncle. Pas mon oncle, c'est qui, là? C'est lui qui avait un chapeau de fête, là. Mon oncle. Oncle George. On dirait que c'était ça. Mais c'était pas ça. Non, parce que clairement, les imitations, c'est pas mon... T'as pas le même salaire, non. Non, ça a l'air ça. Non, hey, je regardais les cafés à AFCAF, on parlait en ronde de café. Aujourd'hui, on a des sujets nerd geek, je trouve, en ronde. Café? Le café, c'est geek. D'être trop intéressé par le café, tu sais, de chercher de la qualité. Ouais, non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'être comme trop imprégné par le sujet. Genre, mais contrairement à vous qui allez peut-être être moins caféiné, si vous prenez du café AFCAF. Hein? Mais je trouve ça cool. Ouais, je savais pas que ça existait, faut juste qu'il fait ça. Parce que tu disais à la chaîne galerie que genre qu'il y avait des gens qui prenaient un verre d'eau chaude pour pouvoir mélanger leur café. Pas à la chaise galerie. Ben, peut-être ailleurs, là, mettons. Mais non, mais dans des endroits où les personnes âgées se tiennent. C'est ça. C'est juste les personnes âgées qui font ça. En tout cas. Donc, position numéro 7. Dans quelques instants, il y aura Beja Boulotte et Tall Tall Shadow qui montent de 10 places. Mais on débute en francophone, comme toujours. Sa montée de 1, c'est Terrifié et Terrifié ER. De mange l'ours mange. Avec des points d'exclamation. Non, mais moi, je suis peut-être un peu trop comme... Tu sais, la grammaire, là. Ça me touche, la grammaire, oui, OK? Oui. Puis, on dirait que quand je parle, on dirait... Tu sais, j'accorde vraiment mes participes passés. Par exemple, employé avec l'auxiliaire avoir. Puis là, je vais dire... Tu sais, là, la fille que t'as vue, UE, là. Ouais. Fait que. Hey, tu corrigeras tes courriels tout seul la prochaine fois. Ah, t'es tellement fine de m'aider. En plus, je l'apprécie au bout. Bon, merci. Au bout, au bout, au bout. C'est pas mal, c'est fou. Point d'exclamation. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Tonton Shadow de Bajaboulat en 7e position anglophone. Et du côté francophone, c'était Terrifié, Terrifié de Mange l'ours mange. Ce qui nous amène à C'était fou. Et on recule à la semaine du 23 novembre 2007.

Ah, ça, je le sais. Ouais. Donc voilà pour C'était fou. Et voilà en même temps pour cette édition top 10 des Palmarès C'est fou. On se quitte quelques instants pour ceux qui écoutent la version complète les jeudis et le dimanche. Sinon, ben, si vous écoutez la version quotidienne du lundi au mercredi à 17h, ça va être demain pour la suite édition. La suite 30. La suite. Est-ce que tu l'avais entendu? Tu prends des mes mauvais plis. Donc pour la suite, le top 5. Donc à bientôt. Bye. Bye. Sec de même, hein? Moi aussi, on est sauvage. Salut! Alors, retourne chez vous! Mais écoutez-nous pareil chez vous, là. Ouais, ou en balado-diffusion, peu importe, hein? On n'est pas regardé, on n'est pas sorti non plus. On est tout le temps dans le studio. C'est fou. 89.1. Et hey, bienvenue à l'édition Top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013. C'est Stéphanie Paradis. Toi, c'est Mathieu Flore. Madame le sapin se pogne les boules. Le classique du temps des fêtes. Ah oh, ouais. C'est ça. Le sapin se pogne les boules. C'est pas ça le titre. Voyons, non. Je dois le mêler avec d'autres choses. Un classique. C'est la version porn de ça que tu retrouves derrière le petit rideau. Le sapin se pogne les boules. OK. Donc, position numéro 5. Ah, avant de y aller avec le numéro 5, évidemment, on doit vous dire ce qui s'en vient dans l'heure. Hein. C'est quand même l'idée derrière l'introduction d'une émission. Ouais, tu finissais, mais tu commençais quoi, aussi. Ouais, ben les préliminaires, hein, tu sais ce que c'est. Exactement. C'est donc, on va voir dans cette heure-ci ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais si tu dis que, mettons, commencer sec, c'est pas mettre de préliminaire, puis finir sec, ça veut dire que ça a duré trop longtemps, puis qu'à la fin, ça rape. Ouais, ça rape. Ouais. Je m'excuse, fallait que je le dise. T'as bien raison. Donc, on va faire ailleurs dans les palmarès. C'est la section où on regarde un petit peu ce qui se passe, devinez où? Ailleurs dans les palmarès, c'est fou. C'est le nom de l'émission. Ça me rappelle une douce chanson d'intro, ça. Qu'on fera en chantant tantôt, ensemble, en chœur. En cœur. En cœur. Vous allez nous demander en cœur, en cœur, en cœur. C'est encore. En cœur. En cœur. Au numéro 5 anglophone, c'est Set the Whale avec Mother. C'est l'ancien numéro 1. Et du côté francophone, mon Dieu, j'aime ça. Ça a descendu de 2. Mais c'est bon pareil. C'est Léa dans les magazines de Panache. Oh, là, là. Oui. Et là, je suis tellement excité. Mais là, ça va être malade. Aïe, aïe. Je croirais, mais. Et là someone mad. Try to live my life like David does, but something always feels just slightly off. I'm young and maybe that's why they see me. They seem like opportunities to test my reach. The depths and ugly habits that are meant for me, and treats of others not so equally. If I thought I knew me, well, it's clear to me that things are gonna change like 100 degrees. If I thought I knew me, well, it's plain to see that things are gonna change like 100 degrees. Opportunity that I need. The Well et Mother. C'est l'ancien numéro 1 du côté anglophone et maintenant c'est en 5e place, donc ça a descendu de 4 places. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Léa dans les magazines de panache. Ouais, hey, tantôt j'avais une réflexion que j'ai oublié de faire. Avec un miroir ou dans ta tête? C'est ça, avec Yvan Ponton et tout le kit là, dans l'émission où il y avait un miroir. Là. Ah, miroir et ricochet. Les gens disent encore miroir et ricochet, font encore des blagues de ça. C'est quoi, cette émission-là est plus en nom depuis quoi, 10 ans, genre? 5 Mais c'est ans, parce que c'était tellement complexe comme principe que je pense que ça a marqué quand même le public québécois. C'était quoi le nom de ça? Ultimatum. Ultimatum. Moi, j'adorais ça. Ah oui? Alors, moi, j'ai... Ben, ça prend quand même quelques émissions avant de comprendre le principe, là, mais une fois que t'as compris, c'est vraiment cool. C'est plus compliqué que le cercle. T'as l'impression d'apprendre quelque chose plus que le cercle, mettons. Où les gens lisent des mots, là, on s'en fout. Là. Ah, le cercle, c'est vraiment dole quand tu joues pas. Pour vrai, là, ben, c'est le fun qu'il y ait les définitions de Paulette d'une fois de temps en temps. Oui, mais une chance qu'on arrive à ça à un moment donné. Là. Et voilà. Bon, bref, j'étais en train de faire une réflexion. Tantôt, on a entendu dans le bloc C'était fou, l'excellent bloc C'était fou, une chanson de Sunray Lucky. J'ai dit que c'était dans la trame sonore de Dan in Real Life. Ceux qui ont entendu ça, qui ont dit, il me semble que j'ai déjà entendu ça, Sunray Lucky, Dan in Real Life, c'est parce que plutôt cette semaine, dans la chronique Les paroles des autres, j'ai fait jouer la chanson thème d'Écoutons-la donc la chanson, qui est aussi par Sunray Lucky. Hein? Quand même, faut être fort. Là. Les gens qui ont pensé à ça sont intelligents. Là. Hein? Qui a pensé à ça? Moi. Okay. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez aller sur assemblagerocky.com pour écouter toutes les capsules Un instant classique, les péripéties de JP, les paroles des autres. Et tout est là sur assemblagerocky.com. Il y a un gros bouton qui a une roche dessus. Là, clique dessus. Génial. Ça veut dire qu'on peut trier puis avoir un peu moins de notre charabia. Et voilà. Moins de gras autour de l'os. De viande autour de du... Non, on veut la viande. Oui. On veut pas le gras. Pas de gras. Ouais. C'est tellement gras. Ah non, faut pas, non, on avait dit qu'on en parlait pas, non. Mais il y a un gars qui dit gras à la télé. Non, mais non. Il dit c'est donc bien gras, puis là, c'est dit c'est donc bien gras trans. Moi, je voulais dire, c'est donc bien italique, ça. C'est donc bien souligné, ça, avec un strike-through. Times New Roman 12. Dude. Hey, ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est tellement comique. Comique 100 MS, classique. Ah, ben, je pense qu'on a pris trop de temps avec ça. Là, on va aller au 4e place. Du côté anglophone, c'est Fairtrade et Voyager qui montent la 11e. Et ça descend de 2 places. Du côté francophone, c'est Manège de Mauve. Ceux qui t'ont... Voyager de Fur Trade pour le numéro 4 anglophone. Et ce côté francophone, c'était Manège de Mauve. Tantôt, troisième mirage, Jacques Mar et Dr. Dime. Mais avant ça, Stéphanie, es-tu prête? Ah! Est-ce qu'on peut être prêt pour ça? Je sais pas. On a décidé que la semaine passée, pour ceux qui n'écoutaient pas, shame on you, premièrement. ça se dit, ça. Honte à vous. On a inventé une nouvelle chanson pour la chronique Ailleurs dans les palmarès et on s'était dit, on va faire un petit montage. On a même fait les manigances pour pouvoir faire un montage. On s'est dit, non, attends un peu, on va la faire live. Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire ça compliqué? Voilà. Alors voici Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Oh hey, oh hey, oh. Oh! Oh wow! Ok, yes! Oh, c'est Ailleurs dans les palmarès! Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo, là. Ben oui! Ben oui! Ben oui! Ah ben oui, quand même! Ben ouais, quand même, c'est quand même aussi un top 30 des albums, un top 30 des disques canadiens, un top 10 là, un top 5 de musique du monde! Hein? Pas bien quand même, hein? Non, c'est vraiment rire! Ben je sais bien, c'était sarcastique aussi. Donc, top 30 des albums pour commencer. Mais oui, dans le top 30 des albums, on a deux nouvelles entrées. En 20e place, on a Lucius avec l'album Wild Woman. Et en 19e place, Marc Berube avec l'album Russian Dolls. Et finalement, le top 3. En 3e place, c'est Dr. Dog et l'album B-Room. En 2e place, Anna Loulou et Keepsake. Et finalement, en 1e place, ça fait une solide montée de 19 et c'est Jobin avec l'album The New Religion Project. Finalement, dans le top 3 des disques canadiens, en 3e place, ça a descendu de 2, c'est Set the Whale avec l'album Hawaii. En 2e place, c'est Fur Trade et Don't Get Heavy. Finalement, en 1e place, une belle montée de 12, c'est Anna Loulou avec l'album Keepsake. Dans le top 10, Loud, 10e place, c'est une nouvelle entrée. Artillery avec l'album Legions. En 9e, c'est Onslaught avec Nine, aussi une nouvelle entrée. Et finalement, toujours en nouvelle entrée, c'est Noctum en 8e avec The Final Sacrifice. Dans le top 3, tout est stable. 3e place, Death Angel et The Dream Calls for Blood. En 2e, c'est Motorhead et Aftershock. Et en 1e, c'est Chemistry of Consciousness par Toxic Holocaust. Hey, je vais pas te couper, là. Quoi non? Mais c'est que... quoi la 9e place? La 9e place, c'est Insurrection avec l'album Prototype. Non, la 9e. La 9e, excuse-moi, c'est Onslaught avec 1994. OK. Onslaught. Je trouve ça quand même drôle comme prononciation. Quand tu le regardes pas, moi, c'est pas ça que j'avais vu, là. OK, c'est ça qui t'a titillé, c'est le Onslaught, là. Oui, c'est le Onslaught. Parce que moi, ce qui m'a titillé, c'est que j'ai dit 9 tantôt, puis c'est clairement 4, parce que c'est IV et non pas IX. J'avais même pas remarqué. En fait, je regardais pas ma feuille. Moi, je prenais une gorgée, là, puis... Ouais. Mais c'est les chiffres romains, je me suis complètement fourré, donc... Mais c'est vrai que chiffre romain, c'est pas super naturel non plus. Non, pis c'est comme pas utile de connaître ça pantoute dans la vie, mais bon. Oui. Hein? Pourquoi? Là? Là, oui. Oui. Quand tu lis un texte historique pis qu'on parle de siècle... Je comprends pas pourquoi qu'on met pas juste 19e siècle. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on met les chiffres romains? Ça sert à quoi? Ben, il doit vraiment avoir une raison. Donc, si vous le savez... Hey, ça, c'est de l'information pertinente dans un contexte universitaire. Merci, je vais aller Wikipédia ça. Merci beaucoup. Top 5 des musiques du monde, une seule nouvelle entrée en 5e place, c'est Charlie Yapo avec Je me casse sur l'album Yako. Et encore une fois, c'est des pièces dans le top 5 des musiques du monde. En 3e place, Fanga avec l'artiste Mustapha Kouyaté et Romain Malagnou sur l'album Les frontières imaginaires. En 2e, c'est la pièce Dinako de Lala Niava qu'on a écouté la semaine passée. Et en 1e, c'est stable, c'est Lady Midriasis avec l'artiste Electronic Electro Orchestra featuring Frederica. Et en passant, pour ceux qui aiment la musique du monde, écoutez Brancher le monde avec David Ferron les dimanches après-midi à 17h. Et je confirme que sur Wikipédia, ça nous dit où on l'utilise, mais pas pourquoi. Bon, ben tu vois, Wikipédia, ça sert à rien. Non, t'as pas... Ah oui, maintenant tu dis Louis XIV... Mais pourquoi qu'on marquerait pas juste 14? Comment? Ah, c'est moins beau! Oui, c'est sûr que c'est moins beau. donc, pour compléter ce bloc ailleurs dans les palmarès, depuis qu'on a mis une chanson, on a vraiment la musique thème, on a les paroles qu'on aime tant, qui sont super catchy, accrocheuses dans la tête, on l'a toute la soirée dans la tête. Il faut aussi écouter une pièce, hein, c'est la raison d'être de ce bloc-là. Donc, on va l'entendre un extrait du top 30 des albums. C'est l'artiste Tony Decker avec la chanson Prayer of the Woods. C'est la chanson titre de l'album qui s'appelle aussi Prayer of the Woods. Puis ça, ben, ça donne à être en position, lui, évidemment, numéro 29. Ben, ça doit être bon, 29. C'est juste en haut de la trace, fait qu'il y a une coche de plus que le fond du baril, t'sais. Oui, tout le monde sait que le fond du baril arrête à 30. C'est comme si, au lieu d'être sur l'échelle de Richter, c'est l'échelle du baril. Ah, un baril de 30 ailes de poulet. Ce serait bon. Barbecue! C'est ailleurs dans les palmarès, au palmarès, c'est fou. Harm me not. Tony Decker et la chanson titre de l'album Prayer of the Woods. C'est une interlude entre deux albums de son groupe Great Lake Swimmers. Donc Tony Decker, c'est dans le top 30 des albums. C'est en position numéro 29 et c'était Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Je vais compter le nombre de fois qu'il faut le faire. Hein? Mais non, mais c'est ça, je t'arrête de me dire, on dirait quasiment qu'on s'est consulté pour le nombre de fois, mais je pense que ça venait naturellement. Je pense que c'est tellement une œuvre complète et comment je dirais, comme consentante avec elle-même. Consensuelle, même. C'est vrai qu'elle est sensuelle, notre chanson. Pas pire, hein? Waouh! Donc, ailleurs dans les palmarès, on fait ça chaque semaine dans les palmarès. C'est fou. Maintenant, on va retourner à notre palmarès top 20 francophone, top 20 anglophone. On est rendu en troisième place et en anglophone, ce sera Dr. Dog et Broken Heart. Alors que du côté francophone, ça monte de 16 et c'est Adieu mes chats de Jacques Maure. Au palmarès, c'est fou, édition top 5! Thank you. 89.1. I never really had a broken heart. Always played it kinda close to my chest. Life for me's just been a walking apart. It doesn't really matter, it never really mattered. I never really had a broken heart, yeah. Such a shock to me. But looks to me like people going through the motion. And when it's over, yeah, the hearts are broken. I finally said she really loved him, but I couldn't see it though. He really loved him, but I don't believe it. Pauvre docteur, le vétérinaire au cœur brisé, Dr. Dog et Broken Heart qui montent de 6 places en 3e anglophone. Et en 3e francophone, c'était Adieu mes chats de Jacques Maure. Ah, des chats et des chiens. J'ai même pas remarqué ça. Come on. C'est beau, hein? Il faudrait qu'on s'arrange pour qu'il soit numéro 1 pour pouvoir faire des jeux de mots de chiens et de chats. Et voilà. Hein, comme chat et mi-chat, mi-chien. Gâche pas mes gags, s'il te plaît. Ben, c'est pas un jeu de mots, ça? Non. Ben, j'aurais sûrement fait un gag similaire. Ou quelque chose. Non, mais Michel Michien, c'était juste comme un dessin animé. C'était pas un jeu de mots. C'est ça. Michel Michien, c'est le dessin animé avec un chat d'un bord et un chien de l'autre. Puis comment ils font pour faire caca. Tu sais, you know? Ouais, mais c'est pas un jeu de mots pareil. Non, mais c'est un gag. Puis rarement dans les jeux de mots à la fin des numéros 1, rarement c'est vraiment des jeux de mots. La plupart du temps, c'est des gags. Même pas des gags, des références. Parce que l'autre jour, c'est même pas drôle. Des gaguets. Des gaguets. Ah, des gaguettes. Des petits gags. J'aime ça, des gags juniors. Des gags juniors. Format pour emporter, format fun 16, parce que fun 16, c'est rarement le fun parce que t'en as pas assez, tu sais. Réflexion comme ça. Ça dépend de quoi, en tout cas. Ça dépend, c'est la largeur, pas la longueur. Hein, bon. Prochain numéro. C'est vrai que notre émission est large. Vraiment, là, ça mène nulle part, tout ça. Prochain numéro 2, c'est en anglophone Hannah Lulu et Keepsake. Ça monte de 11 places. Alors que du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1 et c'est Le Vent Vire de David Marin. Tu sais que notre émission est large. C'est comme l'émission du matin à Radio-Canada qui s'appelle genre Medium Large. Quel titre de... Ça existe, ça? Oui, Medium Large. Ouais. C'est comme la mélodie de bonheur. C'est pas drôle, c'est pas beau, puis c'est lettre. Non, c'est pas le fun. Ils sont tellement pas originaux. Nous, assemblage requis, assez fou, c'est tellement cute. T'es fier, hein? C'est comme des Legos. Dans la boîte de l'autre. Des petits Legos. Tout ce qui pile dessus. Ouais, ça tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'eau, tonne. Comme un jeu de mots, t'as dit? C'est un jeu de mots, ça. Comme un matin de rentrée. Un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui fait faux bon. Me donne envie de plonger. Pour voir si dans le fond y'a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano. Les trucs que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser. Me raquer le malheur avant de reculer là. Le vent du nord qui vient me dire de changer d'air puis de sourire. Quand t'arrives dans ma vie comme un manège étourdi. Le vent vire, peux-tu me dire comme une locomotive. T'arrives toujours avant que je tombe de tombe à l'automne. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès CIFU. We'll be right back. Keeps, que ça monte de 11 places en deuxième anglo. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1 de la semaine dernière. Et c'est le Vent Vire de David Morin. Il reste seulement le numéro 1. Et ça, ben, numéro 1, ça veut dire jeu de mots poche. Pas des jeux de mots de poche, là. Ou des gaguets. Des gaguets. On a déterminé tantôt, c'est bon avec du beurre et des pacanes, je pense. Non, ça, c'est du pain baguette, je pense. Ah, ouais. Ouais. Mais, tu vois, ça va voler comme ça, les jeux de mots dans, pour le numéro 1. Et c'est pas avec du beurre. Oh. C'est avec du fromage. T'aurais, ben, moi, excuse-moi, mais je mets du beurre ainsi que du fromage. C'est vraiment bon. Quand tu le mets au four? Ah, ouais, ouais. Non, il y a déjà du miel, du fromage, puis des pacanes. Pas assez. Ah, c'est dégueulasse. C'est vraiment très, très bon. C'est Stéphanie qui m'a conseillé ça. Et depuis ce temps-là, je ne jure que par ça. Moi, je mets pas de beurre. OK, ben plus j'en mange, plus, Colin, plus je crie. Et puis mon ventre crie pour me dire « J'en veux plus encore! » Tiens. Donc, c'est plus je crie, tu sais, c'est un... T'as pas besoin d'expliquer, je vais le faire après. Ah, excuse-moi, je m'emporte, je m'emporte. Là, je suis comme « Moi, je suis tellement drôle, je suis tellement bon. Mi, tu sais. Je me vante d'être vraiment, tu sais, comme... J'ai des jeux de mots dans le sang, comme des globules. J'ai comme le vent de globules, Van der Glow. Tu essaieras de faire un jeu de mots avec Van der Glow, toi. C'est Van der Glow, c'est difficile. Là. Fait que vends des globules. Je vends des affaires qui glow in the dark. Glow in the dark, j'aime ça, Colin. Puis du côté anglophone, mais c'est encore pire parce que les deux ont aucune façon de faire des jeux de mots à part de dire que, Colin, mes jeux de mots, ils font à peine la job, hein. Ils font à peine la job, hein. Jobbing, you know. Et tu sais, so what? So what, mes jeux de mots sont mauvais. So what, oh? So what, oh? Tu sais, c'est okay. À peu près ça. C'est fini? Je sais pas, je pourrais en faire avec les albums. Non, s'il vous plaît. Laisse faire, OK. Tu veux t'y aller? Hein? T'as-tu quelque chose à dire sur ces albums? Ben, je sais pas. Colin, ça dépend. Si t'aimes mes jeux de mots, est-ce que tu coches oui? Est-ce que tu coches non? Et quand tu coches, est-ce que tu coches droit ou croche? Ça met tout croche, mes jeux de mots, t'sais. Oui. Ouais. Et l'autre côté, j'ai déjà fait les jeux de mots de religion, là, mais mettons que mon projet, ça va partir une religion des gens qui apprécient les jeux de mots de Mathieu Plante. J'en ai une nouvelle religion, moi, à te proposer. Vas-y, on va. Tupperware. Tupperware! Hey, okay. Les occasions sont bonnes pour plugger ta gamme de produits fabuleux disponibles en contactant Stéphanie Paradis, conseillère Tupperware. Et voilà! Je n'ai pas fait grand-chose. Non, c'est pas mal moi, ça. Donc, on va revenir au sujet précédent. Moi, je vous annonce, mes chers palmiers, qu'on s'en va entendre les numéros 1. Alors, le numéro 1 du côté anglophone, ça a monté de 19. Et c'est Soweto de Jobin. Mais tout d'abord, on va l'entendre du côté francophone, plus j'écris de Mimi Van Der Glo, qui est monté de quand même 17. Donc, c'est deux entrées la semaine dernière, je crois qu'ils sont montés au sommet. Est-ce que tu t'inscrirais à ma collection, ma gamme de jeux de mots beaucoup trop dispendieux, mais qui sont de qualité et remboursables et pas remboursables, garantie mais garantie à vie et échangeables contre un nouveau jeu de mots si jamais il brise après quelque temps? Est-ce que tu t'inscrirais à ça? Mais bien sûr, Mathieu. Bon, ma job est faite. Hein? Tu vas-tu m'écœurer avec des mails à chaque semaine que je vais juste jeter sans lire? Probablement. Est-ce qu'il y a des ristournes sur la vente de jeux de mots de qualité? Quoi? Est-ce que tu fais un pourcentage, mettons, si tu réussis à vendre mes jeux de mots? Ça marche plus avec l'analogie de Tupperware, pas en tout. Hein? Ah, c'était bien bizarre. Ouais, de toute façon, ça vaut rien, tes jeux de mots. Bon, gala. Gala en train de chialer déjà. Hé, mon... Parfois, j'écoute la nuit qui râle. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé. C'est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais, jusqu'à ne plus sentir ta peau. Jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid première position. Première position des deux côtés de nos palmarès C'est fou pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013. Alors, le fait, on vient d'entendre Jobin et Soweto qui montent directement, et là, c'est rare, mais de la 20e à la première, du fond du baril à la première position au sommet de l'Everest. Non, le fond du baril, c'est 30. On l'a dit tantôt, c'est l'échelle de Richter de baril, c'est 30. Mais du côté francophone, oui, c'était le numéro 1 plus j'écris de Mimi Vonderglo. Ça a quand même monté de la 18e place, là. C'est pas si pire. Ben non, c'est pas mauvais. C'est à deux positions d'être un record comme du côté anglophone. Donc voilà pour les palmarès, c'est fou pour cette semaine. Colin, c'était bon. Une bonne émission ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'était bon notre show. Ouais, c'était un bon show. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste ça? C'est juste pour dire ça. Mais pour dire quoi, ben. Je vais à la main, hein. S'il fallait que tu me dises à chaque fois que quelque chose lève sur moi, hein, c'est bon. Hein, c'était déplacé. Ah, il n'y a rien qui lève sur moi. I'm not a shame. En tout cas, on n'a pas de preuves jusqu'à preuve du contraire. Reste en preuve, mon cher. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi entre 15h et 18h pour l'édition complète. On se repasse le dimanche à midi. Et il y a aussi l'édition quotidienne des Palmarès C'est fou du lundi au mercredi entre 17h et 18h. On va se quitter avec une pièce qu'on a sautée précédemment dans l'émission. C'est la position numéro 6 anglophone. Oui, et on s'en va entendre In Kind de Braids. À la semaine prochaine, Steph. T'aimes ça me prendre au dépourvu? Un peu, hein? Moi, j'avais fait de l'étoile à côté. Fait que moi, j'avais une grosse flèche toute beurrée. Bon. Hey, à la semaine prochaine pour vrai. Hey, bye! C'est tellement calme, faut qu'on se quitte en shutting, man. Justement, mon ordinateur est shutting down. Shutting down? Mais c'est Windows, t'es en train de shutter down, ça. Bye! See through everything.